À l'occasion de la Journée du Soleil, fête nationale suprême, la deuxième exposition de sculptures en confiserie s'est déroulée du 10 au 12 avril au restaurant Chongnyu à Pyongyang. Y ont été présentées plus de 2860 sculptures en sucre et plus de 740 sculptures en gâteau, préparées par plus de 120 spécialistes de cuisine sélectionnés des dizaines d'usines de transformation alimentaire et des restaurants. Les diplômes, certificats et médailles ont été conférés aux meilleures unités et participants.